Le Quatuor d'Alexandrie de Laurence Durel. Traduit par Roger Giroux. Adapté par Eglal Herrera. Sixième épisode. Pendant que Darley lutte contre la fascination qu'exerce sur lui la trop belle Justine Rosnani, Mélissa, sa fragile compagne, s'étiole doucement. Quant à Nessim, il a chargé son frère de retrouver l'enfant volé de Justine. Grâce à ses contacts dans les milieux populaires d'Alexandrie, Nahrouz a appris que l'enfant était très probablement morte. Un soir, Justine a surpris la fin d'une conversation entre les deux frères qui lui a laissé supposer que Nessim avait repéré une trace de sa petite fille. Justine était en retard ce soir-là. Nous étions seuls, Nessim et moi, dans la grande maison. Il était assis devant la fenêtre par où pénétraient les derniers feux du couchant. Il avait déjà donné l'ordre de servir le dîner lorsque le petit récepteur du téléphone noir fit entendre sa sonnerie grêle et argentine. Allô, oui ? Oui ? Attendez, je note. Darley, Justine a peut-être besoin de notre aide. Pouvez-vous venir avec moi ? Quelques minutes plus tard, la petite voiture de sport bondissait dans la rue Fouad et se dirigeait vers la mer à travers les dédales de ruelles qui descendent vers Ras El Tin. Nous fonçâmes par les lacets de la corniche en direction du yacht club, doublant sans pitié les quelques fiacres, les chars d'amour, comme on les appelait, qui flânaient au bord de la mer. Au fort, nous obliquâmes et pénétrâmes dans le quartier misérable qui croupit derrière la rue Tatwig. Nos phares donnant au café bondé et aux places grouillantes des couleurs et un relief saisissant et inhabituel. Nous abandonnâmes la voiture dans une ruelle aux abords de la mosquée et Nessim pénétra dans une sorte de cour obscure bordée d'une rangée de maisons délabrées. Darley, votre briquet, on n'y voit rien. C'est là. Je frappe. Vous entendez ce bruit de cavalcade ? On y va. Oh mon Dieu ! C'était un bordel d'enfants. Dans la lumière d'outre-tombe qui semblait sortir du sol de terre battue, vêtus de grotesques chemises de nuit aux plis bibliques, les lèvres peintes, des pantelocks de cuivre autour du cou et des bracelets de perles de verre entourant leurs maigres bras, se tenaient une dizaine de fillettes ébouriffées qui ne devaient pas avoir beaucoup plus de 10 ans. Mon Dieu, Dieu du ciel, va te faire foutre ! Justine, attention ! Un marin français se tenait au centre de la pièce, les jambes fléchies, le visage ravagé et tourmenté, tendu vers Justine. Elle avait une bouteille dans sa main à demi levée. Et il était évident qu'elle ne s'était jamais servie de cette arme auparavant, car elle la tenait à l'envers. Salopard ! Salopard ! Vite, Darley ! Nous nous jetâmes sur elle, je crois bien, et nous la traînâmes dans la rue. Je ne me rappelle plus exactement ce qui s'est passé ensuite. Nous reprîmes la corniche. Une lune nouvelle venait de se lever. J'apercevais dans le rétroviseur le visage triste et silencieux de Nessim, tandis qu'à côté de lui, sa femme regardait en silence les vagues argentées qui venaient se fracasser sur la jetée. Elle fumait une cigarette qu'elle avait tirée de la poche de Nessim. Lorsque nous fûmes arrivés au garage, avant de descendre de la voiture, elle embrassa tendrement Nessim sur les yeux. Bonsoir, Darley. Bonsoir, mon ami. Et merci. Le lendemain, allongé sur mon lit, Je regardais la chambre qui appartenait maintenant tout entière à Mélissa. La pauvre table de toilette encombrée de boîtes à poudre, de tubes et de photos. Le rideau léger palpitait doucement dans l'air étouffant. Tout à coup, j'eus terriblement conscience du silence qui emplissait la chambre, martelé goutte à goutte par le robinet qui fuyait dans un coin. C'est moi, Justine. Elle entra dans le calme humide du petit appartement, vêtue d'une robe et de chaussures blanches. La magnificence de sa peau brune et de ses cheveux noirs rendait plus éblouissante encore la blancheur de son apparition. Elle s'avança jusqu'au lit, se pencha vers moi, et ses baisers furent comme des coups de poignard, haletants, doux et sauvages. Il ne faut pas que cela se passe. Je veux que nous en finissions plus vite. Nous sommes allés trop loin pour reculer maintenant. Ce lit est affreux, il sent mauvais. J'ai bu. J'ai essayé de me faire l'amour sans résultat. Je ne pouvais pas m'empêcher de penser à toi. Un rire féroce monta en elle. Le rire nerveux de quelqu'un qui vient d'éprouver une profonde terreur. Elle m'enlaça, m'étreignit de toutes ses forces, comme si elle s'efforçait de supprimer une douleur. On aurait dit qu'elle voulait effacer jusqu'à l'idée de ma présence, trouvant cependant, dans chaque baiser, fragile et frémissant, l'occasion d'une extase douloureuse. À cet instant, je retrouvais bien en elle l'enfant de la cité qui imposait à ses femmes de rechercher la volupté, non dans le plaisir, mais dans la souffrance, et de désirer ce qu'elle redoutait le plus de découvrir. Tu as encore un peu peur de moi. Justine, qu'est-ce qu'on va faire de tout cela ? Oh, pour l'amour du ciel, pas de justification. Rien ne peut justifier cela, rien. Et pourtant, il ne pouvait pas en être autrement. Puis elle se leva, traversa la pièce, et d'un seul coup de sa patte de panthère, balaya les photos, les petits pots de crème, les boîtes de poudre de la table de toilette. Ça, c'est ce que je prenais, Sim. Et toi, Mélissa. Ce serait ignoble de vouloir prétendre au contraire. Darley, tu pleures. Je voudrais pouvoir en faire autant. Je crois que j'en suis plus capable. Chaque baiser te rapproche de Nessim et m'éloigne un peu plus de Mélissa. Mon Dieu, tu trouves que nous n'en avons pas assez de tout cela? Tu ne peux pas comprendre, pour une fois, ce que je ressens. Tout ça n'a aucun rapport avec le sexe. Tu as sans doute raison. En fait, ce genre de choses arrive à ceux qui sont allés au bout de l'échec et qui tombent amoureux. Il faut qu'on s'en aille, maintenant. Mélissa va rentrer d'une minute à l'autre. Je me rappelle la langueur furtive avec laquelle nous nous étions rhabillés. En silence, comme deux complices, nous avions descendu l'escalier sombre et nous nous étions retrouvés dans la rue. Nous nous étions quittés, sans un mot, sur la petite place aux arbres moribonds brûlant de soleil qui avait pris une teinte café. J'avais la curieuse impression d'être assourdi par une immense rumeur. Et je ne me souviens de rien. Si ce n'est que plus tard, je rencontrais Perse Warden dans un bar et qu'il avait récité quelques vers du célèbre poème du vieux barde « Le dieu abandonne Antoine ». Ouvre la fenêtre et regarde à tes pieds et bois jusqu'au fond toute l'amertume et la dernière ivresse de la foule mystique et dis « Alors, Darley, que vous arrive-t-il ? » Et dis adieu à Alexandrie qui te quitte, votre poème préféré. Vous êtes dans les nuages ce soir, mon cher. Oh, c'est comme si le paradis était descendu tout près de la terre et je me tiens entre deux, respirant par le chat d'une aiguille. Admirable. Et qui est le poète ? Amr, le conquérant arabe d'Alexandrie. Quelques heures plus tard, en ouvrant la porte de ma chambre, il me semblait voir encore l'empreinte de la tête de Justine sur l'oreiller. Mélissa était en train de lire. Elle leva la tête vers moi. Il est arrivé quelque chose. Qu'est-ce que c'est ? Je pris son visage dans mes mains, le fouillai du regard sans rien dire. avec une tendresse et une inquiétude, une tristesse et un désir que je ne me souvenais pas avoir éprouvé. Mélissa prit une cigarette et sourit. T'es amoureux de Justine? Non, Mélissa. C'est pire que cela. En proie au tourment de sa passion, Darley ignorait que Justine, avant de faire irruption chez lui, s'était rendue chez Pursewarden, dont elle était la maîtresse, et qu'il avait brutalement repoussée. Nessim avait certes demandé à Justine de neutraliser le poète et diplomate britannique dont il craignait l'ingérence dans son complot, mais il était loin d'imaginer que Justine allait en tomber éperdument amoureuse. Cela avait commencé lors d'un voyage au Caire, où Pursewarden devait donner une série de conférences. Trouvant l'occasion belle, Nessim avait demandé à Justine de le conduire en voiture. Le soir même, ils étaient amants. Tu prends ton plaisir tristement, comme les puritains. Horrible chose. Je le prends tragiquement. C'est l'âme qui m'a mangé le cœur. De là vient tout le mal. Tu es ridicule. Arrête, s'il te plaît, de te complaire dans ce rôle tragique que tu nous jettes à la tête avec insolence. Peut-être n'as-tu rien de mieux à nous offrir ? Ou bien les Juifs ont-ils tellement le goût de l'expiation qu'ils en redemandent toujours ? Peut-être. Mais dis-moi, tu n'avais pas envie de faire l'amour avec moi ? Je t'ai forcé, peut-être. Imbécile. Tu as une âme de midinette. Tu te conduis comme une vieille pelote d'épingles obscènes dans laquelle nous devrions tous planter les épingles rouillées de notre admiration. Mais dans le visage endormi de Justine, Pursewarden avait pu voir aussi l'enfant qui sommeillait et l'habitait, cheveux épars sur l'oreiller, noire colombe ébouriffée, bouche chaude aspirant les senteurs du sommeil. Parfois, dans la glace, il s'injuriait et se prenait violemment à partie pour cette défaillance, cette faiblesse qui l'avait entraîné dans ce qui l'ennuyait le plus. Une liaison. Et merde. En plus, il y a Nessim. C'est un ami, quand même. Écoute. Tu n'es pas une femme pour moi. Tu n'es pas une femme. Justine se sentait alors comme un chien battu. D'autant plus qu'un moment plus tôt, il l'avait embrassée, étreinte et brisée avec douleur, plaisir et une sorte de dégoût qui appartenait, elle l'avait bien compris, à sa passion et non à sa personne. À l'instar de toutes les femmes, Justine détestait tout ce dont elle pouvait être sûre. Jusqu'à Pursewarden, elle n'avait encore jamais connu un homme qu'elle pût admirer sans restriction. Je comprends pas ce qui m'arrive. Tout me bouleverse chez toi. Ta pipe en écume, au bout mâchonné, ton vieux chapeau, bosselé de partout, accroché derrière la porte comme si c'était ton portrait. Je suis prise d'une sorte de possession mentale. L'amour de Darley pour Justine, de Mélissa pour Darley, celui de Nessim pour Justine et de Justine pour Pursewarden se grimpaient tous les uns sur les autres, comme des crabes dans un panier. Il n'y a pas de souffrance plus atroce que celle d'aimer une femme qui vous donne son corps et qui est incapable de vous livrer son être véritable parce qu'elle ne sait pas où le trouver. Justine me faisait penser à une somnambule en train de marcher sur un fil tendu au sommet d'une haute tour. Si l'on criait pour la réveiller, ce serait la catastrophe. On ne pouvait que la suivre en silence, dans l'espoir qu'elle s'éloignât petit à petit du bord des précipices sans fond qui la guettaient. Justine était bien telle que Darley l'a décrit. Subissant l'emprise de Pursewarden, liée à Nessim par un pacte puissant et froid où l'émotion et l'amour avaient su toutefois trouver leur place. À côté de cela, elle menait, avec un sens aigu de la manipulation, une triple vie à l'insu de son mari et de ses deux amants. Darley n'était plus qu'un pantin désarticulé et souffrant, livré à cette femme dont il tentait, en vain, de cerner la personnalité et les réels désirs. L'idée me venait parfois que Justine aurait pu m'être infidèle. Mais c'était si douloureux que je me disais précipitamment que quoi qu'elle fasse, c'était moi qu'elle aimait vraiment. Un soir, l'ombre d'un doute m'effleura au sujet de Perse Warden. Nous avions dîné tous les trois au restaurant L'Union, que Justine affectionnait particulièrement. Puis elle nous invita dans la grande maison. Je m'absentais à un moment, les laissant dans l'atelier du dernier étage. De retour, je vis une trace de rouge à lèvres sur la bouche de Perse Warden. Mon sang se figea. Mais aussitôt, j'aperçus la cigarette qu'il tenait à la main. Je respirais. Il venait manifestement de prendre une cigarette allumée que Justine avait laissée brûler dans le cendrier, selon sa bonne habitude. Perse Warden s'était montré bourru toute la soirée, dans l'atmosphère chaleureuse du petit salon et à la faveur d'un bon whisky, il se détendit. Nous nous accoudâmes, lui et moi, au balcon. Justine nous rejoignit. Imaginez que vous êtes une ville endormie, hein? Vous pouvez rester tranquillement assis, à regarder les choses se dérouler d'elles-mêmes. Volition, désir, volonté, perception, passion, volition, à nouveau. Finalement, dans le noir, nous sommes tous faits de la même viande. Même si nos cheveux se tortillent et si notre peau sent mauvais. La première fois que j'ai rencontré Nessim et que j'ai su que j'étais en train de tomber amoureuse de lui, j'ai essayé de nous sauver tous les deux. J'ai pris un amant, une sombre brute de Suédois. En fait, j'espérais blesser Nessim et le détacher de son sentiment pour moi. Nessim, ce nom me martelait la tête pendant que je contemplais Alexandrie dans la fraîcheur du soir. Rue Babel Mandeb, rue Abou El Dardar, Minette El Barol, où l'on glisse sur les flocons échappés des balles de coton, le jardin des roses de Noussa, les arrêts d'autobus dont les noms me hantent encore, Saba Pacha, Masloum, Sisinia, Pacos, Schutz, Giannaklis. Comme s'il avait perçu mon désarroi après que Justine nous avait laissés seuls, Perse Warden essaya de me prévenir. Je vais vous dire, Darley, Justine et sa ville se ressemblent, en cela qu'elles ont toutes deux une forte saveur, sans avoir aucun caractère réel. Quelques semaines plus tard, c'était l'hiver, les trottoirs luisaient après la pluie, les pavés étaient gras, l'air poisseux, d'une humidité ardemment désirée par les arbres des jardins publics. Justine marchait lentement dans sa splendide robe de soie et sa cape à bordure sombre. Elle pencha la tête. Elle s'arrêta devant la vitrine illuminée d'un magasin et me tira par le bras pour que je me tourne vers elle. Elle me regarda dans les yeux. Je ne sais pas ce qui arrive à Nessim. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il a changé. Changé? Pour la première fois, j'ai peur. Et je ne sais pas pourquoi. Le Quatuor d'Alexandrie de Laurence Durel. Traduit par Roger Giroux. Adapté par Eglal Herrera. Sixième épisode. Avec Christophe Giordano, Darley, Didier Sandre, Nessim, Valérie Lang, Justine, Thibaut Vinson, Perse Warden, Garance Clavel, Mélissa. Et les voix de Brian Pollack, Sabrina Baldassara. Bruitage, Bertrand Amiel. Équipe de réalisation, Serge Ristich, Dimitri Scapolan, Annabelle Brouard, Christine Bernard-Sugy.